fruit de foule, nos autopsies. Ils enfoncent leurs doigts dans le cerveau. Ils ont la solution à leurs problèmes. Nos génies nous guettent et règlent nos systèmes. Le premier qui trouvera la formule savante. Molécules souches, ADN et autres gènes. Nous analysons et rechargeons vos électrons. Transformation, restructuration, élevage in vitro, clonage. Le bien cellulaire est notre affaire, génétique est notre avenir. Vivre de mille ans n'est qu'une histoire de temps. Faut pour la congélation et grand départ pour la prochaine. Prenez vos billets, attention. Promettons un avenir sans perdre. On veut plus partir, on veut plus vieillir. Perdu nos années, un de gris. On t'aura pistolet au mois de pluie. N'oublie pas de prendre la pilule rose. Cette île de vol, c'est un si j'ai les meilleurs. Pour toi, le sous-mélange médical moteur. Crème de soin, vitaminée, lithium, des agrodes, l'antiride seront bien servis. Vivre de mille ans n'est qu'une histoire de temps. Plus que la congélation, les grands départs pour l'air prochain. Prenez vos billets, attention. Nous vous promettons un avenir sans larmes. Paix à vos armes. Nous vous repenserons. En cherchant à bien entretenir, contrôler. Profite de nos derniers instants. Et sur la bouche, mais pendant son bien qui coule, coule, coule. Goutte à goutte, le vide se s'accroche, j'ai des charges. Le corps d'un mort vivant, encore un petit moment. Le corps pris de ses imprécisions. On mesure avec ses imperfections. Pas de rythme des encéphalogrammes, cardiogrammes et pulsations. Nous vous promettrons un avenir sans larmes. Prenez vos billets,